Les débats. Pas de radio et. Pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio, c'est les débats de Gérard du jeudi, donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 avec ce soir Manu et Olivier qui remplacent Apolline parce que je veux plus jeudi, donc j'espère que vous allez pas me faire de la merde ce soir. Ouais, ça va bien se passer, bonsoir Gérard. Il n'y a pas de problème, je m'occupe de tout ma couille. Ouais ben, je suis pas ta couille. Donc à l'arrière sur le Minitel 3615 code Fun Radio, rubrique direct, c'est Fil d'Art. Salut mon pote, t'as besoin 5. Et sur l'internet www.funradio.fr, c'est Rigo qui vous attend. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir, donc Rigo, si tu pouvais nous dire combien qu'on est pour l'instant. On est exactement 5625 et c'est bien parti pour battre le record de Sandy. Ok, donc le débat ce soir ça porte sur les taxis, donc pour ça on va accueillir Gros Compteur 24 ans de Colmar, où on peut écouter Fun Radio sur le 92.2. Tout à fait, bonsoir. C'est ça? Ouais, tout à fait, 92.2. Ok, bonsoir à toi. Bonsoir. Et on va accueillir Taxi Dio 20 ans de Orléans, où on peut écouter Fun Radio sur le 87.6. Ouais, c'est ça, bonsoir GG, bonsoir tout le monde. Tu confirmes? Ouais, je confirme. Ok, salut à toi. Salut. Donc je vous pose la question. Donc, si je vous dis femme au volant d'un taxi, petit oiseau fait son nid, à quoi penseriez-vous et dans quel sens? Donc, on va demander, taxi idiot, tiens, pour toi, pour commencer. Bonne chance. Je t'entends pas, GG. Allô? Allô? Allô? Taxi idiot, tu réponds à la question! On t'entend pas. Tu m'entends, l'auditeur? Non, mais putain, hé! Hey, t'entends Gérard, toi, ou pas? Parce que t'entends pas, GG. Tu vas allô, pas Gérard. Ton bordel dès maintenant là, parce que ça commence à bien faire là. Au GG, il y a un problème au standard. Allô. Oh là là, moi je commence à en avoir ras-le-bol toutes les semaines, c'est le bordel là. Mais t'énerve pas, je crois que ça fonctionne maintenant. Allô, les éditeurs, vous m'entendez? Il est là le gogol ou pas? Au blaireau. Ouais, bah le gogol il t'emmerde, ton connard, si t'es pas content, tu retournes au standard, d'accord? Ok, c'est bah, bon, on t'entend, Ça y est, nous entend. Tony, t'es là? Tony, t'es là? Non. Non, il est pas là, Tony, parce que tu vas pas commencer à prendre des habituels, d'accord? Taxi Joe, je te disais pour toi. Donc, alors l'histoire du petit oiseau, machin et tout? Tu peux me la répéter parce que je suis pas sûr, là. Oh là là! Si je vous dis femme au volant d'un taxi, petit oiseau fait son nid, à quoi penseriez-vous? Dans quel sens? Petit oiseau fait son nid, je pense à ma bite dans ton cul en levrette. Eh ben, allez, hop, dégage! Tu me le calmes, tu le calmes au standard. T'as abusé, ça. Ouais, tu te calmes, hein. Ok. Bon, je te remets sur l'antenne, hein. Ah, okay. Faut y aller crescendo. Donc, Gros Compteur pour toi? Ouais, je pense que, à mon avis, c'est une devinette. Et je voudrais savoir la chute. La chute, à mon avis, je pense que, tu vois, la chute, je vois pas du tout le rapport avec la question. Je te demande si pour toi, femme au volant d'un taxi, petit oiseau fait son nid, à quoi penseriez-vous? Donc, je vois pas le rapport. Avec la chute, hein. Tu m'excuses, mais là... C'est un peu compliqué comme question, hein, faut le dire. Hein. C'est taxi. Ouais, de toute manière, les questions sont préparées avec Frigo, parce que Fulgar n'est pas capable de les préparer. Moi, avant de vous répondre à la question, il y a un petit sondage. J'ai un petit sondage à dire que Gaël nous a récupéré. Donc, pour la question, si on vous dit femme au volant d'un taxi, petit oiseau fait son nid, à quoi penseriez-vous et dans quel sens? Il y a 58% des gens qui veulent bien répondre s'il y a des compiles musique de supermarché volume 4 à gagner. Donc là, je vois pas le rapport. 36% des gens ont des blagues à 2 balles, carambars et TéléZ, ils s'intéressent l'équipe de Fun Tonic. Donc là non plus, je vois pas le rapport, Fun Tonic c'est 6h-9h. Et 14% des gens ne s'épilent jamais la rue du cul car ils n'y voient pas bien clair. Donc là Gaël, si c'est pour m'écrire des conneries pareil, ça va vite aller à la poubelle ça. Hop, terminé. Au lieu de kiffer les blonds à M6, ça pourrait travailler un peu. Ouais ben, de toute manière, c'est même pas la peine qu'ils reviennent la semaine prochaine. Donc, voilà, qui c'est qu'un portable? Personne. Non, c'est un sans fil avec rallonge. Ouais ben, ça va. Elle est là? Voilà, donc moi en ce qui me concerne, je peux vous dire que des femmes qui conduisent des taxis, j'en ai vu pas mal, et de toute manière, elles se démerdent aussi bien qu'un homme, je suis désolé. Hein, mais par contre, là, je voudrais pousser un coup de gueule contre certains taxis, parce qu'il y en a que, quand on les appelle, la plupart du temps, ils viennent pas. Donc, quand on leur fait signe de s'arrêter dans la rue, ils s'arrêtent pas non plus. Alors, moi, je vais vous dire une chose, ça, à Paris, c'est impossible. Ça, c'est clair. On peut plus, c'est impossible, on peut pas prendre un taxi correct. Donc là, c'est même pas la peine. Bah, c'est vrai, ils pourraient au moins te faire un bras d'honneur ou un doigté. Ouais, c'est ça, et toi, ta copine, elle te fait des doigts dans le cul quand tu vas au cirque, connard. Oui, Rigaud. Ouais, Gérard, sur l'IRC, il y a Davy One qui te dit, en fait, que c'est pas étonnant que les taxis s'arrêtent pas quand tu leur fais signe parce qu'ils doivent se prendre pour un clodo ou un travelot qui fait le tapin, quoi. Toi, ouais, bah, lui, quand il sera capable de faire des blanquettes potables, il pourra l'ouvrir. Au fait, Gérard, est-ce que t'as vu le film Taxi, là, avec Sandy, la série, ou pas? Non, j'ai pas vu ça, connard. Okay. Oh! Putain! Gérard! Je suis pas là! Je plus! Bizarre, tu commences à te casser les couilles avec ça, hein. J'espère qu'un jour j'entendrai ça en live. Ouais. Non, bah, ça commence à bien faire. Donc, moi, on va attaquer la conclusion. Donc, on va commencer par, grand courteur pour toi, justement. Bah, écoute, je pense que ça s'est bien passé, ton débat, et c'est bien que ce soir que t'aies fait les taxis. Radio, bonsoir. Oui, allô. Oui, c'est pourquoi? Oui, c'est pour réussir moi ce soir, d'accord. Quelle taille, le sexe? 10 cm? C'est Ricky qui, hein. Ouais, mais tu prends le train, toi. Enfin, je suis désolé, 10 cm, c'est pas possible. Olivier! Oui? Tu fermes ta gueule? Il aime la queue, Olivier. Tu entends quand les gens y parlent, d'accord? Donc, tu disais, excuse-moi, parce qu'avec l'autre, il a son micro allumé, donc tu disais, ça tombe bien qu'aujourd'hui que t'aies fait le débat sur les taxis, parce que mon père, c'était un ancien taxi. Hein? Et je crois que tu fais livraison à domicile aussi, après. C'est ça? Tu fais quoi après, GG? Ça te regarde pas de manière ce que okay. Je fais après, c'est pas ton problème. Et donc allez, hop, bonne nuit pour toi, okay. Ça vaudra mieux pour ta gueule. Bonne nuit, Milosevic. Ok, bah bonne nuit, connard. Salut, pas de politique à l'antenne, j'avais déjà prévenu, donc taxi idiot pour toi. Ouais, bah écoute, je pense que t'as apporté beaucoup au milieu des taxis. Mmh. Il y a pas longtemps encore, j'étais sur Paris et il y a un chauffeur qui m'a dit que grâce à toi, il avait découvert tous les bons bistrots et les coins à pute. Donc voilà, bravo, GG. Ok. Merci pour ta contribution. De rien. C'est gratuit individuel. Et ça peut rapporter gros. Donc, moi, je sais ce que tu fais après le débat. Tu tires une grosse, hein, ça je le sais. Oh, ta gueule, ta bouche à toi, mes dents. Non, mais c'était pour renseigner. Oh, tu me le vires là ou quoi là? Non, mais c'est vrai quand même. Tu dégages. Tu fermes ta gueule. Tu mettras un petit doigt de ma part d'ailleurs. Moi, tu me le coupes ou tu fous de ma gueule là? Une petite léchouille dans les fesses. Oh! Donc, c'est bon là? Donc ce soir, il n'y a que Manu et Rigaud qui m'ont fait du bon boulot parce que Fildor, t'as foutu de la merde comme d'hab. Et toi, Olivier, au lieu de faire du standard correct, ben il prend des auditeurs. Tu prends tes rendez-vous perso avec des homos. Donc là, je crois que vous poussez le morphion un peu trop loin. Donc Rigaud, on est arrivé à combien sur Internet? Oui, énormément de monde, Gérard, sur l'IRC. On est exactement 8295. Ouais, bah, comme par hasard, et quand c'est moi, on est que 8000, et quand c'est Sandy qui fait sa stimulation, il y en a 10 000, donc là, faut pas se foutre de ma gueule, quand même. Bah, je pense qu'il faudrait que tu jouisses. Et conclusion IRC de Père Fouras qui dit Gérard est à la connerie, ce que les taxis sont à Paris, et conclusion du Turpentine qui dit encore un débat sans qu'une tête animé par une grosse tête de queue. Eh ben non, c'est que là, moi, j'en suis à la gueule. Donc, dans un instant, vous allez retrouver Moulinex pour les nuits sans pub. Et n'oubliez pas, samedi soir, l'Happy Birthday to You de Rigaud à l'Écho du Lac en Normandie. Et dimanche soir, la Radio Libre balade de nuit et on va s'écouter... Pour ceux que ça intéresse, j'ai des places pour la Gay Pride, hein. Ouais, bah, c'est ça, on a rien à foutre. Donc, on va s'écouter demain. J'ai rendez-vous au bistrot de la NPE, une sodo et au dodo. Donc, à la semaine prochaine et bonne nuit à tous.